إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous continuons l'étude de cette sur le منهج à travers les questions réponses qui ont été posées à Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى. Et nous sommes dans le passage intitulé « Les règles du comportement à adopter avec les gens de la sunna et des comportements à adopter avec les gens du faux ». Et avec la 11e question, la 12e question, « يقول السؤال الثاني عشر أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا يقول السائل كيف يتم التفريق بين الغلو في الجرح والحزم والشدة على أهل البدع التي تعتبر منقبة. La douzième question, il dit, noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Voici une question qui dit, comment on peut faire la différence entre l'extrême dont jarh et la fermeté et la dureté à avoir contre les gens de l'innovation qui est considéré comme une vertu. يقول الشيخ حفظه الله أقول ولعلنا نبدأ بالشطر الثاني لسؤالكم. Il dit حفظه الله تعالى, nous allons commencer par la deuxième partie de votre question. يقول وهو أن أهل السنة الأصل عندهم الشدة على البدع وأهلها وقوة النكير والغلظة. وذلك حينما تقوى شوكتهم وترجح كفتهم فإنهم في هذه الحال لا يرعون حرمة لمبتدع بل يهينونهم ويحتقرونهم ويهونون من شأنهم. يلدي حفظه الله تعالى les gens de la sunna à la base pour eux c'est le fait d'être ferme et dur contre l'innovation. Et l'origine chez les gens de la sunna, c'est d'être ferme et dur contre eux, l'innovation et les gens de l'innovation, et de les blâmer, et de les divulguer. Et ceci quand ils ont la force, quand ils ont la force avec eux. Dans ces cas-là, ils ne prennent en considération rien. Il n'y a pas d'honneur pour l'innovateur dans ces cas-là. Ils rabaissent les innovateurs, ils les négligent. Hein, ils négligent leur situation. يقول والأصل في هذا النص وسيرة السلف وهي إجماع. Il dit, et à l'origine de tout ça, c'est le texte. Et c'est la biographie, la voix du puiseur d'Allah alayhi. Et ceci est un consensus. يقول فالنص منه قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة. Il dit le texte qui le prouve, c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit, à la fin, vers la fin, dans la fin de ma communauté, il va y avoir des gens qui vont vous parler de choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous, ni vos parents. Faites attention à eux. Attention à eux. Et l'expression « Fayyakum wa Iyahum », c'est-à-dire « Faites attention à eux et éloignez-vous d'eux ». Ceci est rapporté par l'imam Muslim dans son introduction, dans l'introduction de son authentique, il hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu arda, comme il est rapporté par al-Baghawi rahimahullah dans l'interprétation de la Sunna. Yaqulu hafidhahullah wa fi al-hadith al-sahih al-akhar wa huwa hadith al-iftiraq الذي يهون من شأنه بعض المتحذقين من قاذة الثورة الفكرية التي هي حرب على الدعوة السلفية وأهلها ويضعف هذا الحديث ويتلمس في التهوين من شأنه وعدم استعماله وهو حديث صحيح مشهور تلقاه أهل السنة بالقبول واستعملوه ومن ألفاظه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit, Habibullah Ta'ala, il continue à citer les textes qui prouvent que les gens de la Sunna à l'origine, ils sont fermes et durs avec l'innovation et les gens de l'innovation. Il dit, dans le hadith authentique, l'autre hadith authentique, qui est le hadith de la division, que les commandants et les théoriciens de la révolution de la pensée diminue de la valeur de ce hadith, il le néglige. Cette révolution de la pensée, ces théoriciens de la révolution de la pensée qui sont une guerre contre la da'wa salafia et contre les gens de la salafia et qui disent que ce hadith il est faible. Ils cherchent tous les moyens pour négliger ce hadith et pour ne pas le mettre en application et pour le mettre de côté. Alors que c'est un hadith authentique, réputé, que les gens de la Sunna ont accepté et ils l'ont mis en application. Et parmi les expressions de ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens vont se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer, sauf une. Ils ont dit, c'est laquelle, ya Rasulallah, il a dit le groupe. Et le terme groupe a été interprété par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda en disant le groupe, le jama'a, c'est ce qui concorde avec la vérité. Même si tu es seul, le jama'a, c'est ce qui concorde avec la vérité, même si tu es seul. Dans une autre version du hadith, que certains nombres de sciences rendent bonnes par les témoignages, par les différentes voies de transmission qui témoignent pour elles, dans laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui sont sur la même voie que moi aujourd'hui et mes compagnons. Yaqulu hafidhahullah, il continue à nous citer aussi les preuves qui montrent la fermeté et comment ils étaient les gens de la Sunna et le consensus des gens de la Sunna sur le fait quand ils ont le pouvoir, quand ils ont la force, ils sont fermes et durs avec les gens de l'innovation. Il nous cite un autre hadith. Wa akhraj al-shaykhan min hadith Hudayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وفي بعض ألفاظه يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قال تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير يعني الذي فيه دخن من شر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فصفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, un autre texte pour prouver la position qu'avaient les gens de la Sunna contre l'innovation. Il a été rapporté par les deux chers, c'est-à-dire l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, rahmatullah ala immatil muslimin, il hadith de Hudayf ibn al-Yaman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et agrée tous les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, dit que les gens posaient des questions au prophète alayhi salatu salam sur le bien. Et moi, c'est-à-dire Hudayfa, je posais des questions sur le mal par peur que je n'y tombe et que, hein. Et j'ai dit, ya Rasulallah, nous étions dans une période pré-islamique et dans un grand mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien, c'est-à-dire l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et à Hudayfa de lui dire, j'ai dit, est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, mais il y aura des lacunes dedans. Il y aura quelque chose qui ne va pas dedans. Je lui dis, c'est quoi ces lacunes? Hudayfa lui dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ces lacunes? Il a dit, ce sont des gens qui prennent, qui se guident avec autre chose, qui n'est pas ma guidée, qui prennent un chemin qui n'est pas le mien. Et dans une autre version, une autre expression, hein, dit, ils prennent comme guidée autre chose que ma guidée, et ils prennent des chemins qui ne sont pas le mien. Et Rasulullah lui a dit, tu vas reconnaître des choses d'eux, et tu ne vas pas reconnaître d'autres choses. D'autres choses, tu ne vas pas les reconnaître. C'est-à-dire, tu vas reconnaître des choses qui sont de la sunna. Et d'autres choses, tu ne reconnaîtras pas, parce que ça ne fait pas partie de la sunna. Et je lui dis, c'est-à-dire, Hudayfa, est-ce qu'après ce bien, dans lequel il y a des lacunes, il y aura un mal? Il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, des prêcheurs sur les portes de l'enfer, celui qui leur répond, ils vont l'y jeter, c'est-à-dire, ils vont le jeter dans le feu de l'enfer. Et Hudayfa a dû dire, ya Rasulallah, décris-nous ces prêcheurs. Il a dit, ils font partie de notre race, ils parlent nos langues. Je lui ai dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu me conseilles si je vis à cette époque? Et Rasulallah lui a dit, tu restes avec le groupe des musulmans et leur gouverneur. Je lui ai dit, ya Rasulallah, s'ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de gouverneur. Il a dit, Rasulallah lui a dit, tu t'éloignes de tous ces groupes, de tous ces partis, tu t'en éloignes. Même si tu mords sur ce qui reste d'un arbre jusqu'à ce que, la mort vienne te prendre. Et tu es dans cette situation-là. يقول الشيخ حفظه الله فبضميمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا يوجب العلم والعمل يستخلص طالب الحق والسنة ما يأتي. Il dit حفظه الله تعالى, avec le contenu de ces hadiths et tout ce qui va dans leur sens, qui est réputé, qui a été transmis par plusieurs chaînes de transmission et par plusieurs personnes du prophète alayhi salam, ce qui fait qu'il est obligatoire de l'apprendre et de le mettre en application. Il a dit, le demandeur de science va extraire certains points de ces hadiths et des hadiths qui sont dans ce sens de ces hadiths, il va extraire certains points. Cheikh nous montre les points qu'il faut retenir de ces hadiths. أولا وجوب الحذر من البدع وآلهة مع شدة النكير والنفرة. Premièrement, qu'il est obligatoire de faire attention à l'innovation et aux gens de l'innovation, tout en étant ferme et dur dans le fait de les blâmer et de s'en éloigner. ثانيا ليست الكثرة دليلا على الحق كما أن القلة ليست دليلا على عدم الحق بل العبرة بإصابة الحق. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, savoir que le grand nombre, ce n'est pas une preuve de la vérité. Comme un petit nombre n'est pas une preuve comme quoi ce n'est pas la vérité. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est d'être dans la vérité. Thalithan, الحكم على أكثر الأمة بأنه هالك ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72 فرقة بأنها هالكة قال في النار وهذا في حديث الافتراق. Troisièmement, c'est que une grande partie de la communauté périt, va être donc parmi ceux qui périssent. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donné sa sentence, il a dit 72 groupes vont périr, et il a dit ils seront en enfer, et ceci dans le hadith de la division. فقوله في النار هو من أحاديث الوعيد وقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال الله واحدة هذا دليل على الحذر من أهل البدع وأنه هو الأصل. Et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit dans le feu de l'enfer, ça fait partie des hadiths de l'avertissement. Et quand il a dit cette communauté se divisera en 73 groupes, et après il a dit sauf une. Il a dit ça, c'est une preuve comme quoi il faut faire très attention aux gens de l'innovation. Et ça, c'est l'origine, c'est la base, c'est qu'il faut faire très attention aux gens, hein, aux gens de l'innovation. Et j'ouvre encore une parenthèse, une fois, quand le hadith il dit tout ce feu de l'enfer sauf une, pas gober l'ambiguïté de ceux qui vous disent vous avez mis toute la communauté de Mohammed alayhi salam au feu de l'enfer. On n'a rien mis à l'islam. Hein? C'est un hadith dans lequel il y a l'avertissement avec un châtiment, et ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, selon, hein, si les personnes sont tombées dans une innovation de mécréance, il n'y a aucun doute que c'est le feu de l'enfer. Si l'innovation et la divergence avec le prophète et la voix du prophète alayhi salam n'est pas du domaine de la mécréance, ils seront sous le mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, ce sera un bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il est châtié, ce sera justice accomplie min Allah azza wa jal. On n'a pas mis la communauté, rien au-delà de ça. Il ne faut pas vous faire avoir avec ceux qui veulent vous inculquer cette idée, vous mettez toute la communauté au feu de l'enfer. Abadan akhal islam, c'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wasalam. Il a été décrété ainsi, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est la parole du messager alayhi salatu wasalam qui ne parle pas de ses propres passions. يقول الشيخ حفظه الله رابعا أن جماعة الحق واحدة وليست متعددة وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. Le quatrième point que le demandeur de science doit retenir, c'est que le groupe de la vérité, il est unique. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs. Et c'est lui, et Rasoul صلى الله عليه وسلم nous l'a expliqué, ainsi que ibn Mas'ud. لا يكسبك رضي الله عنه وارضاه. خامسا لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجدت وهي موجودة ما تخلو الأرض منهم لكن أحيانا ليس لها إمام وهذا في آخر العصور نسأل الله العفو والسلامة في الفتن وأحيانا لها إمام. Et le cinquième point à retenir, c'est qu'il faut rester dans le groupe et sur le pouvoir du gouverneur de ce groupe. Hein? Quand il existe, il dit Havidallah Ta'ala, il existe la terre. Hein? Il n'y a pas sur terre, il y a le groupe, il y a les gouverneurs, etc. Il dit que peut-être des fois les groupes vont se retrouver sans gouverneur. Et ça va arriver vers la fin des temps. Et il fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de la fitna. Hein? Et il dit des fois, ils ont un gouverneur. سادسا إذا لم يوجد جماعة ولا إمام وأنا طامع فأن يكون هذا نسبي أطمع أن يكون نسبيا ولا أحكم على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم لكن أطمع ويحفزني على هذا الطمع قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة فأهل الحق لا تخلو الأرض منهم أبدا هذا وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكن قد لا يكون لها إمام فالعلاج ما هو العزلة اعتزال جميع الأمواج المتلاطمة جميع الفرق الضالة المتلاطمة والنجاة بنفسك تعتزل تلك الفرق كلها وقد يكون مع بعضها شيء من الحق. Sixièmement, si il n'existe pas de groupe, le sixième point à retenir, s'il n'existe pas de groupe, il n'existe pas de gouverneur, et cherche de dire, et moi j'espère que ceci est relatif. J'espère que ceci est relatif. Et il dit, je ne mets pas de jugement devant Allah et son messager alayhi salatu wasalam, mais j'espère, il me pousse à cet espoir, la parole du prophète alayhi salatu wasalam qui dit « Restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité et ils vont être triomphants sur cette vérité. » Et il dit « Havidallahu ta'ala » partant de ce hadith, « Les gens de la vérité existeront toujours sur terre. » Ça, c'est la promesse d'Allah par la voix de son messager alayhi salatu wasalam. Mais peut-être qu'ils n'auront pas de gouverneur. C'est quoi le remède dans ces cas-là? S'ils n'ont pas de gouverneur, il faut s'éloigner de toutes ces vagues et de tous ces partis égarés et égareurs. Il faut s'en éloigner pour te préserver. Tu t'en éloignes de tous ces partis, tous, pour te préserver. Et même il peut y avoir la vérité avec certains, mais tu dois t'en éloigner. يقول لكن ما دامت القضية قضية تلاطم وتناحر وتصادم وتشاجر وتخاصم وحرب وليس هناك إمام ينحاز إليه فإنه ينجو بنفسه. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا كثيرة. Il dit puisque la situation c'est une guerre et ce sont des disputes. Et ce sont des confrontations. Et qu'il n'y a pas de gouverneur vers lequel tu peux tourner. Dans ce cas-là, il faut que tu te préserves. Et ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et les hadiths sont nombreux dans ce sens-là. Yaqul, وَمَّا مِنْ سِيرَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الْقَوْلِيَا فَإِنَّ النَّقْلَ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَحِمَهُمْ مُتَوَاتِرٌ. Et il nous donne aussi des preuves de la voix du salaf radhiyallahu alayhim, dans leurs paroles, ce qui nous a été transmis, il est énorme. Il est transmis par plusieurs voix. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ces paroles? Ceux qui prouvent que les gens de la sunna, quand ils ont le pouvoir, ils sont fermes et durs avec les gens de l'innovation. Yaqul min dalikum qawlul faruq radhiyallahu anhu arda iyaakum wa ahlul ra'i. أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. في partie de ces paroles, les paroles du Farouq, Omar bin Khattab رضي الله عنه وارضاه, qui a dit attention aux gens de l'opinion, les ennemis de la sunna, ils sont incapables de mémoriser la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont aimé leur opinion. Et ils ont émis des opinions, ils se sont égarés, et ils ont égaré. وروى اللكائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو في المغرب فأحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد. إيه Il nous cite cette parole citée par l'imam Lalaka'i d'Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda, qui disait radiallahu anhu wa arda, par Allah, je ne crois pas que quelqu'un que Shaitan aime que quelqu'un périsse plus que moi aujourd'hui. Ibn Abbas il dit par Allah, je ne crois pas que quelqu'un que Shaitan aime la perte de quelqu'un, il a plus qu'il l'aime pour moi aujourd'hui. On lui a dit pourquoi? Il a dit l'innovation apparaît à l'est ou à l'ouest et on me la rapporte et je l'ai anéanti avec la sunna et il est rejeté. Et je l'ai anéanti avec la sunna et il est rejeté. وروي عنه رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ومن ذلكم الرجلان صديق الأمة وإمامها بعد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كذلك الإمام الثاني من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما على رأس من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وعلى رأس من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. Et il a été rapporté aussi d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda. Il a dit presque des pierres vont vous tomber du ciel, vont tomber sur vous du ciel. Je vous dis, Je vous dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit, cher de nous dire, et qui sait ces hommes, si le véridique de la communauté est son grand imam après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième, c'est le deuxième imam de cette communauté parmi les humains après le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont à la tête de ceux à qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attesté le paradis. Ils sont à la tête de ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort et les a agréés, les contents d'eux. Cela, ce commentaire de Cheikh, pour te montrer qu'une parole qui est en divergence ou un acte qui est en divergence de la sunna, il est à rejeter qu'il vient de qui que ce soit. Tu n'as pas entendu la parole du Abdullah ibn Abbas, dit, des pierres vont vous tomber du ciel, vont tomber sur vous du ciel. Je vous dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيدي لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولا تحرمن الحلال فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوه به. الشعبي نسيت une parole du Shaabi, l'un des grands imams aussi, qui dit, faites attention à l'opinion, l'opinion qui est dépouillée de preuves. Car par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous prenez le pognon dépouillé de preuves, vous allez rendre licite ce qui est illicite, et le contraire aussi, ce qui vous a été transmis des nobles compagnons de Mohammed alayhi sallam, prenez-le, ou alors mettez-le en application. وقال أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاء أو قال يقروا فيه ما شاء. Il ne cite aussi cette parole qu'avait dit Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, qui a dit, Abu Qilaba m'a dit, ou Ayyub, mémorise de moi quatre choses. Jamais ne ramène ton opinion dans le Coran. Et fais attention, ne desserte pas sur le destin. Et quand on évoque les nobles compagnons de Mohammed alayhi sallam, retiens ta langue. Et ne donne pas ton oui aux gens de l'innovation qui les jettent ce qu'ils veulent. Et ou qu'ils y ancrent ce qu'ils veulent. Quatre nobles conseils que nous devons avoir en tête. Jamais ramener notre opinion dans le Coran, jamais desserter sur le destin. Et quand on parle du noble compagnon de Mohammed alayhi sallam et de ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre eux, quand ils ont émis des efforts d'interprétation, on doit retenir nos langues et jamais, jamais nous devons nous asseoir devant les innovateurs et leur donner nos cœurs et nos oreilles pour qu'ils y jettent ce qu'ils veulent. وروي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه كان رجل من أهل الأهواء يسير خلفه ويقول يا أبا عبد الله ناظرني يا أبا عبد الله ناظرني كلمة يا أبا عبد الله اسما مني كلمة وهو يشير بيده يقول لا ولا نصف كلمة قال يا أبا عبد الله ناظرني فإن غلبتني تبعتك وإن غلبتك تبعتني وكان الإمام رحمة الله عليه محنكا فطنا ملهما فالتفت إليه وقال وإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه قال اذهب فأنت تتنقل بيد كل واحد كما يقول العوام عندنا من يدي نشيط في يدي نشيط هذه عندكم يا أهل المغرب عندنا مثل يقول من يدي نشيط في يدي نشيط يعني ما يستقر مع كل واحد يمشي. Il a été rapporté de l'imam Malik rahimahullah ibn Anas qu'un homme parmi les gens de l'innovation marchait derrière lui, lui disait ou Aba Abdillah, débat-moi, fais un débat avec moi. Ou Aba Abdillah, fais un débat avec moi. Ou Aba Abdillah, je te dis juste, écoute de moi juste une parole. Et Imam Malik, rahmatullah alayh, il lui dit non avec la main. même pas la moitié d'une parole, j'écouterai de toi. Et l'homme ne cessait de lui dire, Ya Abba Abdillah, débat avec moi. Si tu es vainqueur, je te suis. Et si c'est moi qui est vainqueur, tu dois me suivre. Imam, rahimahullah ta'ala, l'imam Malik, l'a regardé, il était très intelligent. Hein? Il avait une intelligence vive, il était vif. Hein? Il s'est retourné vers lui, il lui a dit, et si un troisième il vient, et il ne bat que les deux. Il lui a dit, alors dans ces cas-là, on le suit. L'imam Malik s'est tourné vers lui, il lui a dit, va, toi tu vas changer de religion. Hein, tu vas être dans les mains de celui-là, dans les mains de l'autre, etc. Et cher de nous citer un proverbe dans, qu'ils ont le commun saoudien chez eux. Il dit, dans ma main, il est vif, et dans ta main, et dans ma main, il est vif. Ça veut dire qu'il n'est jamais stable sur une situation. Il va avec tout le monde. Hein? Et regardez, combien de fois vous entendez sur Paltok, Hada, il demande à celui-là de débattre avec lui, viens, je débat avec toi, etc. Et regardez comment Salaf, avec la science qu'ils avaient, ils s'éloignaient des débats et du fait de débattre avec les, hein? Les gens de l'égarement. Et regardez les sororis maintenant sur les chaînes de télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient chaque jour, ils débattent avec les chiites, les rafidites, etc. Hein? Et Salaf, Allah, il s'éloigne de ça. Hein? Je vous rappelle l'histoire de l'imam Ibn Baz, le mufti des Ibadites, l'Ibadi Amman, lui a demandé de faire un débat avec lui, et même il a demandé que ce soit sur la télé, etc. Et Cheikh Ibn Baz, il n'a pas pris en considération sa demande, pour que cette personne ne se fasse pas connaître sur le dos d'Ibn Baz, pour qu'il ne lui donne pas d'importance. Hein? Et que les gens ne s'accrochent pas à cet homme de l'innovation. Il a débattu avec l'imam Ibn Baz. Hein? وقال المفضل بن مهلهل رحمه الله لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه أو قال في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه ولكن يحدثك في بدء مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. المفضل بن مهلهل رحمه الله disait si l'homme de l'innovation il te parlait dès le départ de son innovation où il te parle à la première rencontre de son innovation, bah tu vas faire attention à lui et tu vas t'en éloigner. Mais au début de l'assise, il commence à te parler de la sunna et petit à petit il immisce son innovation. Et peut-être qu'à ce moment-là, son innovation va s'ancrer dans ton cœur, va s'attacher à ton cœur. Quand est-ce qu'il va, tu vas t'en séparer? Quand est-ce que ton cœur pourra la rejeter? C'est pour ça que j'ouvre la parenthèse pour beaucoup des frères hein, à Bruxelles. Le problème est énorme. Ben, je viens à la mosquée de Tawhid parce que j'entends Ibn Baz a dit, Rahimahullah, Al-Bani a dit, etc. Il parle de la sunna, etc. Ils ne savent pas et tout d'un coup, à un moment donné, on les voit, ils commencent à divier, ils commencent à avoir des insinuations sur les livres de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala et sur... sur les livres de la réplique et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut s'y noyer. Il ne faut pas être imbu de soi-même. Là, je vais écouter le vrai qu'ils ont et je vais... Ah, non. Avec quoi, comment tu vas cerner? Et puis ailleurs, parmi les conseils qu'il a fait à Ayoub Sirtiani, c'est que tu ne donnes pas la possibilité à l'homme de l'innovation d'envoyer quoi que ce soit dans ton oui. يقول الشيخ عبيد حفظه الله سمعتم أهل البدع مكر عفاريت نفاريت يعرفون كيف يتصيدون من قل فقهه من الأغرار الذين لم يكن عندهم فقه يحصنهم من أهل البدع والمحدثات. الشيخ عبيد de nous dire, vous avez entendu, les gens de l'innovation sont des grands ruseurs. Hein? Ils savent comment attraper ceux qui n'ont pas beaucoup de jurisprudence et beaucoup de compréhension. Ils savent comment faire tomber, ceux qui ont peu de science et peu de compréhension, hein, comment les faire tomber dans l'innovation. Ils savent comment faire tomber ceux qui ne sont pas immunisés contre les innovations. Ils savent comment les faire tomber dans leur filet. يقول الشيخ وقال مصعب بن سعد رحمه الله لا تجالس مفتونا أي مبتدعا فإنه لن يقطعك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتبعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. Et Cheikh de nous citer la parole de Mus'ab ibn Sa'd, rahimahullah, il dit, ne t'assois pas avec quelqu'un de l'innovation. Car deux choses, l'une des deux choses va t'arriver. Soit il va te perturber, tu vas le suivre, dans son innovation. Soit il va te faire du mal avant que tu t'en sépares. L'une des deux, ou il va te faire du mal avant que tu t'en sépares, ou alors il va te perturber, tu vas être quelqu'un qui le suit. يقول فبان بهذا النقل والتقرير الذي بدأناه بنصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثنينا فيه بأقوال أئمة من أهل السنة أن الأصل في المبتدعة هو المفاصلة مفاصلة أهل السنة لهم وحذرهم منهم. Il dit avec ce que ce texte, hein, il nous apparaît clairement des textes que nous avons cités de notre prophète alayhi salam, et ces textes du prophète alayhi salam, nous les avons suivis des paroles des grands imams de la sunna, que à l'origine avec les innovateurs s'ils sont séparés, ils sont éloignés, les gens de la sunna s'en éloignent, ils avertissent contre eux, ils font attention à eux. يقول أما الشطر الأول من السؤال الغلو في الجرح الشدة انتهينا منها. Il dit, quant à la première partie de la question, le fait d'aller, hein, cette expression qu'ils utilisent, le fait d'aller à l'extrême dans jarh, quant à la fermeté et à la dureté, nous avons terminé. Mais aller à l'extrême dans le jarh, يقول الشيخ لا يغلو سني في الجرح أبدا لأن هذا دين يدين الله به ولكن. Et الشيخ de nous dire, jamais un sunni va à l'extrême dans le jarh, jamais de la vie, car ça c'est une religion avec laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن نحن نسمع ما بين الفينة والفينة هذه الكلمة تتردد. Il dit, mais nous entendons par moments, entre des moments, cette parole qui se répète. فالسني يدين الله سبحانه وتعالى بالجرح إذ هو عنده دين يدين الله به فيذب به عن السنة وأهلها. Et il dit, le sunni, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la réfutation, avec le jarh, car c'est une religion avec laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec le jarh il défend la sunna et les gens de la sunna. يقول كما أن التعديل كذلك دين. Il dit aussi, comme les éloges, c'est une religion. ولهذا فإن أهل السنة عن الأئمة حريصون على أن لا يجرحوا أحدا ببدعة فضلا عن كفر إلا وعندهم من البينات ما يشهد لهم. Il dit, c'est pour ça que les gens de la sunna, les imams, tiennent fortement, avant de critiquer quelqu'un, avant de le mettre à de faire un jarh de quelqu'un parmi les gens de l'innovation, ou de dire qu'il est innovateur, ou de dire qu'il est mécréant, avant d'émettre ses sentences, ils tiennent d'abord à avoir les preuves à côté d'eux, les preuves qui témoignent pour la sentence qu'ils vont émettre. يقول ولكن أهل الأهواء يفسرون هذا غلوا. Mais les gens de l'innovation et les gens qui suivent leur passion, ceci, cet acte émanant des imams, de la critique, etc., ils expliquent comme quoi que c'est l'extrémisme. يقول فما دام الدليل قد قام واضحا على أن فلانا من الناس مبتدع ضال منحرف فكيف يفسر هذا غلوا. Et cher de nous dire, Hamdallah Ta'ala, et puisque les preuves sont claires, ont été accomplies, que tel est un innovateur, égaré, égareur, égaré, déviant, comment on peut expliquer ceci par l'extrémisme ? يقول وأهل السنة متقرر عندهم أنهم لا يبدعون أحدا فضلا عن تكفيره حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. Il dit les gens de la Sunna, il est confirmé chez eux qu'ils ne rendent pas quelqu'un innovateur et encore moins mécréant jusqu'à ce que la preuve soit accomplie. يقول وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة عرفوا الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. Il dit, ils sont comme a dit Cheikh l'Islam, les gens de la Sunna, ce sont eux qui connaissent mieux la vérité et qui sont cléments pour les créatures d'Allah. يقول لكن أهل الأهواء لا يقر لهم قرار ولا تنام لهم جفون ولا تنشرح لهم صدور ولا تطمئن لهم قلوب بالجرح. Il dit, mais les gens de l'innovation, ceci ne leur plaît pas, ils ne s'endorment pas, leurs yeux ne se ferment pas et leur cœur n'est pas ouvert. Ils ne sont pas, qui en ce qui concerne le jarh. Ils ne l'aiment pas. يقول لأن أئمة السنة وعلماء السنة وأهل السنة يبغضون أهل البدع. Car les gens, les imams de la Sunna, les hommes de science de la Sunna et les gens de la Sunna détestent les gens de l'innovation. فإذا كشف لهم عن رجل بأنه مبتدع قوي البغض في نفوسهم وقوي الحذر فحذروه. Et si il leur apparaît, on leur dévoile, on leur montre que cet homme est un innovateur, bah ils vont le détester encore plus, ils vont le rejeter, ils vont s'éloigner, ils vont faire attention à lui, ils vont demander aux gens de faire attention à lui. C'est pour ça que les gens de l'innovation, ils n'aiment pas la science de la critique. يقول وإن كانوا من قبل يحسنون به الظن وهذا لا يرضي أهل الأهواء. Même si auparavant les gens de la Sunna estimaient bien cette personne, et c'est ce qui est fait pour ne pas plaire aux gens de l'innovation. نعم قد يكون من بعض أهل السنة شيء من القسوة لما يراه هو أن الأمر يستدعي القسوة والآخر وإن كان لا يخالفه في أصل المسألة ولكنه يستعمل أحيانا عبارات لينة وهذا ليس محل خلاف. Il dit oui, certaines fois parmi les gens de la Sunna il peut y avoir une certaine sévérité parce qu'ils voient que la situation impose cette sévérité et cette dureté. Et l'autre, s'il n'est pas en divergence avec lui sur la réfutation, mais l'autre, il utilise certaines expressions qui sont plus douces. Et ça, ce n'est pas un point de divergence. C'est-à-dire, c'est les gens de la Sunna. يقول وإذا سلمنا على ما ورد في السؤال من حكاية لقول بعض أهل الأهواء أن بعض أهل السنة يغلو في الجرح أقول من قديم وجد من أهل السنة من هو قوي وليس غاليا حرصا على حماية السنة وشدة في الدب عنها وعن أهلها وما لامه الآخرون وما قالوا إنه متفرق. يجي من تنصي بوزو مام en ce qui concerne ce qui est dans la question. En rapportant de ces paroles des gens de l'innovation qui disent que certains gens de la Sunna sont à l'extrême dans le jarh. Cher de nous dire, depuis les temps anciens, il s'y trouvait des gens de la Sunna qui étaient fermes, qui étaient durs, qui est dans la réfutation. Parce qu'il tient à protéger la Sunna. Il n'était pas extrémiste, loin de là. Mais il était fort et ferme dans sa défense de la Sunna et des gens de la Sunna. Personne ne l'a blâmé. Personne n'a dit que celui-là, il est marginal ou celui-là, il divise. Et cher de nous citer un exemple, il dit وعلى سبيل المثال يقولون من وثقه شعبة فحسبك به ومن جرحه ينظر في جرحه ولم يتهم شعبة رحمه الله بأنه غال متشدد شدة في غير محلها ولم أعلم أحدا حتى الساعة رجلا متمكنا في السنة خالطت بشاشتها قلبه حذر من شعبة ووشى به عند غيره من أهل السنة. Et il dit, il nous donne un exemple, il dit, prenons comme exemple, ils disent que Shu'ba rahimahullah ta'ala, quand il dit que celui-là est indigne, ben ça te suffit. Parce qu'il le passe, hein, par l'œil du chat. Avant de dire que celui-là il est indigne, hein, il l'a dit par connaissance. Et celui que Shu'ba jrah, il faut regarder son jrah. Il dit, jamais on a accusé Shu'ba rahimahullah comme quoi il était extrémiste. Hein, et qu'il était dur, et qu'il utilisait une dureté qui n'est pas à sa place. Il dit, je ne connais pas, jusqu'à l'heure actuelle, un homme qui a la connaissance de la sunna, et dont la sunna s'est mélangée dans son cœur, etc., a averti contre Shu'ba, ou a dit, hein, ou il a parlé en mal de Shu'ba chez les gens de la sunna, ou quoi que ce soit. Et je crois que c'est bientôt l'heure d'El Maghreb Indakoum. فاجو ما غيطلا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.